L'IRIT 7, activation orale, les personnes et leur profession. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez. 1. Quand on est marin. Vous dites. On est dans la marine. 2. Quand on est cinéaste. On est dans le cinéma. 3. Quand on est militaire. On est dans l'armée. 4. Quand on est enseignant. On est dans l'enseignement. 5. Quand on est ambassadeur. On est dans la diplomatie. 6. Quand on est magistrat. On est dans la magistrature.